par la foi. Chaque pierre du temple connaît le nom de Raideskill. Dans les ombres gravées, un œil veille. Pas un dieu eut le froid. Je suis Raideskill.